Second chapitre. Les trois voyageurs cheminaient en silence. Le vieux Taras pensait à son passé. Sa jeunesse se déroulait devant lui, cette belle jeunesse que le Cosaque surtout regrette, car il voudrait toujours être agile et fort pour sa vie d'aventure. Il se demandait à lui-même quel de ses anciens camarades il retrouverait à la Setche. Il comptait ceux qui étaient déjà morts, ceux qui restaient encore vivants, et sa tête grise se baissa tristement. Ses fils étaient occupés de toute autre pensée. Il faut que nous disions d'eux quelques mots. À peine avait-il eu 12 ans qu'on les envoya au séminaire de Kiev, car tous les seigneurs de ce temps-là croyaient nécessaire de donner à leurs enfants une éducation promptement oubliée. À leur entrée au séminaire, tous ces jeunes gens étaient d'une humeur sauvage et accoutumés à une pleine liberté. Ce n'était que là qu'ils se dégrossissaient un peu et prenaient une espèce de vernis commun qui les faisait ressembler l'un à l'autre. L'aîné des fils de Bulba, Ostap, commença sa carrière scientifique par s'enfuir dès la première année. On l'attrapa, on le battit à outrance, on le cloua à ses livres. 4 fois, il enfouit son ABC en terre, et 4 fois, après l'avoir inhumainement flagellé, on lui en racheta un œuf. Mais sans doute il eût recommencé une 5e fois si son père ne lui eût fait la menace formelle de le tenir pendant 20 ans comme frère laid dans un cloître, ajoutant le serment qu'il ne verrait jamais la Setche s'il n'apprenait à fond tout ce qu'on enseignait à l'académie. Ce qui est étrange, c'est que cette menace et ce serment venaient du vieux Bulba, qui faisait profession de se moquer de toute science et qui conseillait à ses enfants, comme nous l'avons vu, de n'en faire aucun cas. Depuis ce moment, Ostap se mit à étudier ses livres avec un zèle extrême et finit par être réputé l'un des meilleurs étudiants. L'enseignement de ce temps-là n'avait pas le moindre rapport avec la vie qu'on menait. Toutes ces arguties scolastiques, toutes ces finesses rhétoriques et logiques n'avaient rien de commun avec l'époque et ne trouvaient d'application nulle part. Les savants d'alors n'étaient pas moins ignorants que les autres, car leur science était complètement oiseuse et vide. Au surplus, l'organisation toute républicaine du séminaire, cette immense réunion de jeunes gens dans la force de l'âge, devait leur inspirer des désirs d'activité tout à fait en dehors du cercle de leurs études. La mauvaise chair, les fréquentes punitions par la faim et les passions naissantes, tout s'unissait pour éveiller en eux cette soif d'entreprise qui devait plus tard se satisfaire dans la Setche. Les boursiers, non des étudiants laïcs, parcouraient affamés les rues de Kiev, obligeant les habitants à la prudence. Les marchands des bazars couvraient toujours des deux mains leurs gâteaux, leurs petits pâtés, leurs graines de pastèque, comme l'aigle couvre ses aiglons dès que passait un boursier. Le consul, nom du surveillant ou chef de quartier choisi parmi les étudiants, qui devait, d'après sa charge, veiller aux bonnes mœurs de ses subordonnés, portait de si larges poches dans ses pantalons qu'il eût pu y fourrer toute la boutique d'une marchande inattentive. Ces boursiers composaient un monde à part. Ils ne pouvaient pas pénétrer dans la haute société qui se composait de nobles, polonais et petits russiens. Le vaïvode lui-même, Adam Kissel, malgré la protection dont il honorait l'académie, défendait qu'on menât les étudiants dans le monde et voulait qu'on les traitât sévèrement. Du reste, cette dernière recommandation était fort inutile, car ni le recteur ni les professeurs ne ménageaient le fouet et les étrivières. Souvent, d'après leurs ordres, Les licteurs rossaient les consuls de manière à leur faire longtemps gratter leurs pantalons. Beaucoup d'entre eux ne comptaient cela pour rien, ou tout au plus pour quelque chose d'un peu plus fort que de l'eau-de-vie poivrée. Mais d'autres finissaient par trouver un tel chauffage si désagréable qu'ils s'enfuyaient à la sèche s'ils en savaient trouver le chemin et n'étaient point rattrapés en route. Ostap Bulba, malgré le soin qu'il mettait à étudier la logique et même la théologie, ne put jamais s'affranchir des implacables étrivières. Naturellement, cela dut rendre son caractère plus sombre, plus intraitable, et lui donner la fermeté qui distingue le Cosaque. Il passait pour très bon camarade, s'il n'était presque jamais le chef dans les entreprises hardies, comme le pillage d'un potager. Toujours il se mettait des premiers sous le commandement d'un écolier entreprenant et jamais, en aucun cas, il n'eût trahi ses compagnons. Aucun châtiment ne l'y eût pu contraindre. Assez indifférent à tout autre plaisir que la guerre ou la bouteille, car il pensait rarement à autre chose, il était loyal et bon, du moins aussi bon qu'on pouvait l'être avec un tel caractère et dans une telle époque. Les larmes de sa pauvre mère l'avaient profondément ému. C'était la seule chose qui l'eût troublé et qui lui fit baisser tristement la tête. Son frère cadet, Andri, avait les sentiments plus vifs et plus ouverts. Il apprenait avec plus de plaisir et sans les difficultés que met au travail un caractère lourd et énergique. Il était plus ingénieux que son frère, plus souvent le chef d'une entreprise hardie, et quelquefois, à l'aide de son esprit inventif, il savait éluder la punition, tandis que son frère Ostap, sans se troubler beaucoup, ôtait son caftan et se couchait par terre, ne pensant pas même à demander grâce. Andri n'était pas moins dévoré du désir d'accomplir des actions héroïques. Mais son âme était abordable à d'autres sentiments. Le besoin d'aimer se développa rapidement en lui dès qu'il eut passé sa 18e année. Des images de femmes se présentaient souvent à ses pensées brûlantes. Tout en écoutant les disputes théologiques, il voyait l'objet de son rêve avec des joues fraîches, un sourire tendre et des yeux noirs. Il cachait soigneusement à ses camarades les mouvements de son âme jeune et passionnée, car à cette époque, il était indigne d'un Cosaque de penser aux femmes et à l'amour avant d'avoir fait ses preuves dans une bataille. En général, dans les dernières années de son séjour au séminaire, il se mit plus rarement en tête d'une troupe aventureuse, mais souvent il errait dans quelques quartiers solitaires de Kiev, où de petites maisonnettes se montraient engageantes à travers leurs jardins de cerisiers. Quelquefois, il pénétrait dans la rue de l'aristocratie, dans cette partie de la ville qui se nomme maintenant le Vieux Kiev, et qui alors, habitée par des seigneurs petits russiens et polonais, se composait de maisons bâties avec un certain luxe. Un jour qu'il passait là, rêveur, le lourd carrosse d'un seigneur polonais manqua de l'écraser, et le cocher à longue moustache qui occupait le siège le cingla violemment de son fouet. Le jeune écolier, bouillonnant de colère, saisit de sa main vigoureuse, avec une hardiesse folle, une roue de derrière du carrosse, et parvint à l'arrêter quelques moments. Mais le cocher, redoutant une querelle, lança ses chevaux en les fouettant, et Andri, qui avait heureusement retiré sa main, fut jeté contre terre, la face dans la boue. Un rire harmonieux et perçant retentit sur sa tête. Il leva les yeux et aperçut à la fenêtre d'une maison une jeune fille de la plus ravissante beauté. Elle était blanche et rose comme la neige éclairée par les premiers rayons du soleil levant. Elle riait à gorge déployée, et son rire ajoutait encore un charme à sa beauté vive et fière. Il restait là, stupéfait, la regardait bouche béante, et, essuyant machinalement la boue qui lui couvrait la figure, il l'étendait encore davantage. Qui pouvait être cette belle fille? Il en adressa la question aux gens de service richement vêtus qui étaient groupés devant la porte de la maison autour d'un jeune joueur de bandoura. Mais ils lui rirent au nez en voyant son visage souillé et ne daignèrent pas lui répondre. Enfin, il apprit que c'était la fille du vaïvode de Kovno qui était venue passer quelques jours à Kiev. La nuit suivante, avec la hardiesse particulière aux boursiers, il s'introduisit par la clôture en palissade dans le jardin de la maison qu'il avait notée, grimpa sur un arbre dont les branches s'appuyaient sur le toit de la maison, passa de là sur le toit et descendit par la cheminée dans la chambre à coucher de la jeune fille. Elle était alors assise près d'une lumière et détachait de riches pendants d'oreilles. La belle Polonaise s'effraya tellement à la vue d'un homme inconnu si brusquement tombé devant elle qu'elle ne put prononcer un mot. Mais quand elle s'aperçut que le boursier se tenait immobile, baissant les yeux et n'osant pas remuer un doigt de la main, quand elle reconnut en lui l'homme qui, devant elle, était tombé dans la rue d'une manière si ridicule, elle partit de nouveau d'un grand éclat de rire. Et puis, il n'y avait rien de terrible dans les traits d'Andry. C'était au contraire un charmant visage. Elle rit longtemps et finit par se moquer de lui. La belle était étourdie comme une Polonaise, mais ses yeux clairs et sereins jetaient de ces longs regards qui promettent la constance. Le pauvre étudiant respirait à peine. La fille du vaïvode s'approcha hardiment, lui posa sur la tête sa coiffure en diadème et jeta sur ses épaules une collerette transparente ornée de festons d'or. Elle fit de lui mille folies, avec le sans-gêne d'enfant qui est le propre des Polonaises et qui jeta le jeune boursier dans une confusion inexprimable. Il faisait une figure assez niaise en ouvrant la bouche et regardant fixement les yeux de l'espiègle. Un bruit soudain l'effraya. Elle lui ordonna de se cacher et dès que sa frayeur se fut dissipée, elle appela sa servante, femme tatare, prisonnière, et lui donna l'ordre de le conduire prudemment par le jardin pour le mettre dehors. Mais cette fois-ci, l'étudiant ne fut pas si heureux en traversant la palissade. Le gardien s'éveilla, l'aperçut, donna l'alarme, et les gens de la maison le reconduisirent à coups de bâton dans la rue, jusqu'à ce que ses jambes rapides l'eussent mis hors de leurs atteintes. Après cette aventure, il devint dangereux pour lui de passer devant la maison du vaïvode, car ses serviteurs étaient très nombreux. Andry la vit encore une fois dans l'église. Elle le remarqua et lui sourit malicieusement comme à une vieille connaissance. Bientôt après, le vaïvode de Kovno quitta la ville et une grosse figure inconnue se montra à la fenêtre où il avait vu la belle Polonaise aux yeux noirs. C'est à cela que pensait Andry en penchant la tête sur le cou de son cheval. Mais dès longtemps, la steppe les avait embrassés dans son sein verdoyant. L'herbe haute les entourait de tous côtés, de sorte qu'on ne voyait plus que les bonnets noirs des Cosaques au-dessus des tiges ondoyantes. Hé hé, qu'est-ce que cela veut dire, enfant? Vous voilà tout silencieux? S'écria tout à coup Bulba, sortant de sa rêverie. On dirait que vous êtes devenus des moines. Au diable, toutes les noires pensées! Serrez vos pipes dans vos dents, donnez de l'éperon à vos chevaux et mettons-nous à courir de façon qu'un oiseau ne puisse nous attraper. » Et les Cosaques, se courbant sur le pommeau de la selle, disparurent dans l'herbe touffue. On ne voyait plus même leurs bonnets. Le rapide éclair du sillon qu'ils traçaient dans l'herbe indiquait seul la direction de leur course. Le soleil s'était levé dans un ciel sans nuages et versait sur la steppe sa lumière chaude et vivifiante. Plus on avançait dans la steppe, plus elle devenait sauvage et belle. À cette époque, tout l'espace qui se nomme maintenant la Nouvelle-Russie, de l'Ukraine à la mer Noire, était un désert vierge et verdoyant. Jamais la charrue n'avait laissé de traces à travers les flots incommensurables de ces plantes sauvages. Les seuls chevaux libres qui se cachaient dans ces impénétrables abris y laissaient des sentiers. Toute la surface de la terre ressemblait à un océan de verdure dorée qu'émaillaient mille autres couleurs. Parmi les tiges fines et sèches de la haute herbe croissaient des masses de bleuets aux nuances bleues, rouges et violettes. Le genêt dressait en l'air sa pyramide de fleurs jaunes. Les petits pompons de trèfle blanc parsemaient l'herbage sombre, et un épi de blé apporté là, Dieu sait d'où, mûrissait solitaire. Sous l'ombre ténue des brins d'herbe glissaient en étendant le cou des perdrix à l'agile corsage. Tout l'air était rempli de mille chants d'oiseaux. Des éperviers planaient immobiles, en fouettant l'air du bout de leurs ailes et plongeant dans l'herbe des regards avides. De loin, l'on entendait les cris aigus d'une troupe d'oies sauvages qui volaient comme une épaisse nuée sur quelque lac perdu dans l'immensité des plaines. La mouette des steppes s'élevait d'un mouvement cadencé et se baignait voluptueusement dans les flots de l'azur. Tantôt, on ne la voyait plus que comme un point noir. Tantôt, elle resplendissait, blanche et brillante, aux rayons du soleil. Ô mes steppes, que vous êtes belles! Nos voyageurs ne s'arrêtaient que pour le dîner. Alors, toute leur suite, qui se composait de 10 cosaques, descendait de cheval. Ils détachaient des flacons en bois contenant l'eau-de-vie et des moitiés de calebasse servant de gobelets. On ne mangeait que du pain et du lard, ou des gâteaux secs, et chacun ne buvait qu'un seul verre, car Taras Bulba ne permettait à personne de s'enivrer pendant la route. Et l'on se remettait en marche pour aller tant que durait le jour. Le soir venu, la steppe changeait complètement d'aspect. Toute son étendue bigarrée s'embrasait au dernier rayon d'un soleil ardent, puis bientôt s'obscurcissait avec rapidité et laissait voir la marche de l'ombre qui, envahissant la steppe, la couvrait de la nuance uniforme d'un vert obscur. Alors les vapeurs devenaient plus épaisses. Chaque fleur, chaque herbe exhalait son parfum et toute la steppe bouillonnait de vapeurs embaumées. Sur le ciel d'un azur foncé s'étendaient de larges bandes dorées et roses qui semblaient tracées négligemment par un pinceau gigantesque. Çà et là blanchissaient des lambeaux de nuages légers et transparents, tandis qu'une brise, fraîche et caressante comme les ondes de la mer, se balançait sur les pointes des herbes, effleurant à peine la joue du voyageur. Tout le concert de la journée s'affaiblissait et faisait place peu à peu à un concert nouveau. Des gerboises à la robe mouchetée sortaient avec précaution de leur gîte, se dressaient sur les pattes de derrière et remplissaient la steppe de leurs sifflements. Le grésillement des grillons redoublait de force et parfois on entendait, venant d'un lac lointain, le cri du cygne solitaire qui retentissait comme une cloche argentine dans l'air endormi. À l'entrée de la nuit, nos voyageurs s'arrêtaient au milieu des champs, allumaient un feu dont la fumée glissait obliquement dans l'espace, et, posant une marmite sur les charbons, faisaient cuire du gruau. Après avoir soupé, les cosaques se couchaient par terre, laissant leurs chevaux errer dans l'herbe, des entraves aux pieds. Les étoiles de la nuit les regardaient dormir sur leurs cafetans étendus. Ils pouvaient entendre le pétillement, le frôlement, tous les bruits du monde innombrable d'insectes qui fourmillaient dans l'herbe. Tous ces bruits fondus dans le silence de la nuit arrivaient harmonieux à l'oreille. Si quelqu'un d'eux se levait, Toute la steppe se montrait à ses yeux diaprée par les étincelles lumineuses des vers luisants. Quelquefois, la sombre obscurité du ciel s'éclairait par l'incendie des joncs secs qui croissent au bord des rivières et des lacs, et une longue rangée de cygnes allant au nord, frappée tout à coup d'une lueur enflammée, semblaient des lambeaux d'étoffe rouge volant à travers les airs. Nos voyageurs continuaient leur route sans aventure. Nulle part autour d'eux ils ne voyaient un arbre. C'était toujours la même steppe, libre, sauvage, infinie. Seulement, de temps à autre, dans un lointain profond, on distinguait la ligne bleuâtre des forêts qui bordent le Dniepr. Une seule fois, Taras fit voir à ses fils un petit point noir qui s'agitait au loin. « Voyez, mes enfants, dit-il, c'est un Tatar qui galope. » En s'approchant, ils virent au-dessus de l'herbe une petite tête garnie de moustaches qui fixa sur eux ses yeux à la fente mince et allongée, flaira l'air comme un chien courant et disparut avec la rapidité d'une gazelle après s'être convaincu que les Cosaques étaient au nombre de 13. « Eh bien, enfant, voulez-vous essayer d'attraper le Tatar ? Mais non, n'essayez pas, vous ne l'atteindriez jamais. Son cheval est encore plus agile que mon diable. » Cependant, Bulba, craignant une embûche, crut-il devoir prendre ses précautions. Il galopa avec tout son monde jusqu'au bord d'une petite rivière nommée la Tatarka qui se jette dans le Dniepr. Tous entrèrent dans l'eau avec leurs montures et ils nagèrent longtemps en suivant le fil de l'eau pour cacher leurs traces. Puis, après avoir pris pied sur l'autre rive, ils continuèrent leur route. 3 jours après, ils se trouvaient déjà proches de l'endroit qui était le but de leur voyage. Un froid subit rafraîchit l'air. Ils reconnurent à cet indice la proximité du Dniepr. Voilà en effet qu'il miroite au loin et se détache en bleu sur l'horizon. Plus la troupe s'approchait, plus le fleuve s'élargissait en roulant ses froides ondes, et bientôt il finit par embrasser la moitié de la terre qui se déroulait devant eux. Ils étaient arrivés à cet endroit de son cours où le Dniepr, longtemps resserré par les bancs de granit, achève de triompher de tous les obstacles et bruit comme une mer, en couvrant les plaines conquises où les îles dispersées au milieu de son lit refoulent ses flots encore plus loin sur les campagnes d'alentour. Les Cosaques descendirent de cheval, entrèrent dans un bac et, après une traversée de 3 heures, arrivèrent à l'île Hortiza où se trouvait alors la Setch, qui changea si souvent de résidence. Une foule de gens se querellait sur le bord avec les mariniers. Les Cosaques se remirent en selle. Taras prit une attitude fière, serra son ceinturon et fit glisser sa moustache entre ses doigts. Ses jeunes fils s'examinèrent aussi de la tête aux pieds avec une émotion timide, et tous ensemble entrèrent dans le faubourg qui précédait la Setch d'une demi-verste. À leur entrée, ils furent assourdis par le fracas de 50 marteaux qui frappaient l'enclume dans 25 forges souterraines et couvertes de gazon. De vigoureux corroyeurs, assis sur leurs perrons, pressuraient des peaux de bœufs dans leurs fortes mains. Des marchands colporteurs se tenaient sous leurs tentes avec des tas de briquets, de pierres à feu et de poudre à canon. Un Arménien étalait de riches pièces d'étoffe, un Tatar pétrissait de la pâte, un Juif, la tête baissée, tirait de l'eau-de-vie d'un tonneau. Mais ce qui attira le plus leur attention, ce fut un Zaporogue qui dormait au beau milieu de la route, bras et jambes étendus. Taras s'arrêta plein d'admiration. « Comme ce drôle s'est développé » dit-il en l'examinant. « Quel beau corps d'homme !» En effet, le tableau était achevé. Le Zaporogue s'était étendu en travers de la route comme un lion couché, sa touffe de cheveux fièrement rejetée en arrière couvrait deux palmes de terrain alentour de sa tête. Ses pantalons de beau drap rouge avaient été salis de goudron pour montrer le peu de cas qu'il en faisait. Après l'avoir admiré tout à son aise, Bulba continua son chemin par une rue étroite, toute remplie de métiers faits en plein vent et de gens de toutes nations qui peuplaient ce faubourg, semblable à une foire par lequel était nourrie et vêtue la Setch, qui ne savait que boire et tirer le mousquet. Enfin, ils dépassèrent le faubourg et aperçurent plusieurs huttes éparses couvertes de gazon ou de feutre à la mode tatare. Devant quelques-unes, des canons étaient en batterie. On ne voyait aucune clôture, aucune maisonnette avec son perron à colonnes de bois comme il y en avait dans le faubourg. Un petit parapet en terre et une barrière que personne ne gardait témoignaient de la prodigieuse insouciance des habitants. Quelques robustes aporogues, couchés sur le chemin, leurs pipes à la bouche, les regardèrent passer avec indifférence et s'en remuer de place. Taras et ses fils passèrent au milieu d'eux avec précaution, en leur disant « Bonjour, Seigneur !»« Et vous, bonjour » répondaient-ils. On rencontrait partout des groupes pittoresques. Les visages hâlés de ces hommes montraient qu'ils avaient souvent pris part aux batailles et éprouvé toutes sortes de vicissitudes. Voilà la Setch. Voilà le repère d'où s'élancent tant d'hommes fiers et forts comme des lions. Voilà d'où sort la puissance cosaque pour se répandre sur toute l'Ukraine. Les voyageurs traversèrent une place spacieuse où s'assemblait habituellement le conseil. Sur un grand tonneau renversé était assis un zaporogue sans chemise. Il la tenait à la main et en raccommodait gravement les trous. Le chemin leur fut de nouveau barré par une troupe entière de musiciens, au milieu desquels un jeune zaporogue qui avait planté son bonnet sur l'oreille dansait avec frénésie en élevant les mains par-dessus sa tête. Il ne cessait de crier « Vite, vite, musicien, plus vite! Thomas, n'épargne pas ton eau-de-vie aux vrais chrétiens !» Et Thomas, qui avait l'œil poché, distribuait de grandes cruches aux assistants. Autour du jeune danseur, quatre vieux zaporogues trépignaient sur place, puis tout à coup se jetaient de côté comme un tourbillon jusque sur la tête des musiciens, puis, pliant les jambes, se baissaient jusqu'à terre et, se redressant aussitôt, frappaient la terre de leurs talons d'argent. Le sol retentissait sourdement alentour et l'air était rempli des bruits cadencés du hopak et du tropak, danse cosaque. Parmi tous ces cosaques, il s'en trouvait un qui criait et qui dansait avec le plus de fougue. Sa touffe de cheveux volait à tout vent, sa large poitrine était découverte, mais il avait passé dans les bras sa pelisse d'hiver et la sueur ruisselait sur son visage. « Mais ôte donc ta pelisse !» lui dit enfin Taras. « Vois comme il fait chaud !»« C'est impossible !» lui cria le zaporogue. « Pourquoi ?»« C'est impossible ! Je connais mon caractère. Tout ce que j'ôte passe au cabaret !» Le gaillard n'avait déjà plus de bonnet, plus de ceinture, plus de mouchoir brodé. Tout cela était allé où il avait dit. La foule des danseurs grossissait de minute en minute, et l'on ne pouvait voir, sans une émotion contagieuse, toute cette foule se ruer à cette danse la plus libre, la plus folle d'allure qu'on ait jamais vue dans le monde, et qui s'appelle, du nom de ses inventeurs, le Kazatchok. « Ah, si je n'étais pas à cheval !» s'écria Taras. « Je me serais mis, oui, je me serais mis à danser moi-même !» Mais cependant commencèrent à se montrer dans la foule des hommes âgés, graves, respectés de toute la Setch, qui avaient été plus d'une fois choisis pour chef. Taras retrouva bientôt un grand nombre de visages connus. Ostap et Andri entendaient à chaque instant les exclamations suivantes. « Ah, c'est toi, Petcheritsa. Bonjour, Kosolou. D'où viens-tu, Taras? Et toi, Doloto? Bonjour, Kirdiaga. Bonjour, Gusti. Je ne m'attendais pas à te voir, Remen. » Et tous ces gens de guerre qui s'étaient rassemblés là des quatre coins de la Grande Russie s'embrassaient avec effusion, et l'on n'entendait que ces questions confuses. « Que fait Cassian? Que fait Borodavka? Et Coloper? Et Pizzichok ?» Et Taras Bulba recevait pour réponse qu'on avait pendu Borodavka à Tolopan, écorché vif Coloper à Kizikermen, et envoyé la tête de Pizzichok salée dans un tonneau jusqu'à Constantinople. Le vieux Bulba se mit à réfléchir tristement et répéta maintes fois « C'était de bons cosaques ».